Ouais, David Black, directement d'LBF, Gabon, Afrique centrale, Pakash, la vache, l'animal. Pour le jour final, respecte, respecte, nous aussi on sait faire, respecte, ainsi comme nous Brésil, à quitter le temps bien périphérique, à mort du roi d'avaluement, brique, se liga, se liga, se liga. Eu vejo humanos tombando na favela, cobra comendo cobra, essa é a nova era, molecada na função, fumando crack, pulsação alterada, escuta o baque, pum pum, deitou mais um. Foi fulano, beltrano, ciclano, quem foi? Opa, que porra é essa? Caralho, peraí, vamos voltar a base de novo, roda a banca, que os ratos tá na fita. Tomba um, dois, eu quero ver quem fica. Marca de sangue na blusa, pula o mundo de casa. Mãe na porta, rezando, irmão mais novo, brincando. Os anjos disseram amém. Se sacou da morte, teve sorte, não foi dessa vez. Mas será que vai ser sempre assim? A casa caindo, cada dia próximo do fim. Moral na quebrada e fica safo com a rapaziada. Vários manos na sua captura. Sai voado, fulano. Não quero ver você esticado na rua. Perdão aqui, é só na hora de morrer. A lei do silêncio é garantia, pode crer. Mesmo se sei, não sei, eu não vi não. Calibres pesados, arsenal de zoeira. Sinfonia do gueto, não posso dar bobeira. Farinha das duas tô fora. Cada um, mas eu não quero, não rola. Um bebolado na sua mente. Rap nacional pesado, vê se sente. Veja você mesmo e tire a conclusão. Aí ladrão, aí ladrão. Je me mets à réfléchir. Le temps évoque à bafouille. L'heure s'est achevée. Ainsi que mes rêves. Bref, brèvement, je flammais pour ma vie. Plein de gens réclament. Dans une atmosphère équivoque. L'ennemi pour cette âme. Que clame et fasse couler une larme. J'ai connu les vraies joies, les vraies souffrances. Demain qui menace aujourd'hui. On oublie, mais on a survie. Pour allumer le feu de la vie. Un feu sans fumée. Échangeons nos raisons d'avoir raison. Et tu verras dans tes yeux que passe rageusement. Tu souris pourquoi? Tout comme les vrais gens. Tellement ressemblant. Faut que t'arrêtes ça. Et que tu penses à l'équitec de la vie que t'as pas payé. Être un genre du monde fils n'est pas chose facile. On s'attrape, un voyage. Sois sage, on s'engage au-delà, au plus profond de soi. Pousse à mes pensées pages, qu'on mène des sages. Faire un maquillage pour ma vie, c'est qui part en naufrage. C'est le soleil en plein midi, putain ça fait mal. Que la saison sèche arrive et sèche mon cœur. Pourtant je suis rien que la patience dans les vivants. Qu'importe mon Dieu, si je brûle toute l'éternité en enfer. Si c'est ta volonté, à qui tu parles et pas cash. Moussa va périphérer de toute la part du monde. Radio, Africa, Gabon. Bougre, David Black, Meuillement. Et précisément nous déchets de l'âme. Tout est rouille. Et non qu'un magique à tracer sa prison. C'est mou. Et ton âme marginal, retourne à paille. Paix à tous. Et si tu m'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans.